À la ville de Feilong, de la province du Hamgyong du Nord, il y a eu le rassemblement des militaires du ministère des Forces armées populaires pour la réussite dans le relèvement de la ville. Y ont pris part le général d'armée Park Yong-sik, ministre des Forces armées populaires, et les officiers et soldats des unités dépêchées au chantier de relèvement. Tout d'abord, on a lu l'appel du comité central du Parti Travail de Corée, adressé à tous les membres du parti, militaires et civils. Ensuite, il y a eu les interventions. Les orateurs ont souligné qu'il faut terminer dans un bref délai et au niveau suprême la reconstruction des régions sinistrées tout en faisant preuve de l'esprit de la puissante armée révolutionnaire qui applique sans faillir l'ordre du commandant suprême Kim Jong-un pour ainsi lui faire à coup sûr le rapport sur la réussite dans le relèvement des régions sinistrées. Le rassemblement fini, tous les participants ont commencé les travaux.